Mon ange, juste un petit message. L'amour n'en dit rien à la mort, même si ça nous dérange. Je vais t'aimer encore plus fort, je connais le calme de ton cœur et toutes les courbes de ton corps. Je connais l'amour et son odeur, je la sens partout dans ton décor. Ils te voient fine, je te connais femme. Ils te disent feu, et moi je te connais flamme. Ils savent ton cœur, je connais par cœur ton âme. Ils croient me faire peur, mais ta seule crainte me blâme. Mon ange, l'amour n'en dit rien à la mort, même si ça te dérange. Je vais t'aimer encore plus fort, je connais le calme de ton cœur et toutes les courbes de ton corps. Je connais l'amour et son odeur, je la sens partout dans ton décor. Ils te voient fuir, je te connais femme. Ils te disent feu, et moi je te connais flamme. Ils savent ton cœur, je connais par cœur ton âme. Ils croient me faire peur, mais ta seule crainte me blâme. Line, j'ai quelques lignes à te faire lire, y'a eu des signes et des mots à me faire dire. Mais très vite on m'a fait taire et je désespère. À force de faire croire que je souris, je persévère en faisant mine de faire partie de ce monde pourri. Mais loin de toi, je m'oublie et je m'enlise. Je mène dans la merde alors qu'ils croient qu'on cicatrise nos cœurs saignent. De peur qu'on se perde, ils craignent que la morale nous réprouve et que la raison nous fasse du tort. Mais ils ignorent tout de ce qu'on éprouve et les saisons passeront encore. Avant d'oublier ce goût de souffre, et je suis à bout de souffle. Je crève du manque d'oxygène, le cœur au bord du gouffre. Ton absence aussi me gêne et encore aussi j'ai pas du tout l'envie de te dire ouais. À quel point je souffre et d'un battement de cils t'as rendu mon impossible. Mon cœur en fut docile et ma vie devenait paisible. Depuis tous me croient blindé comme un tank, tous me poussent. Mais putain bébé qu'est-ce que tu mens. Mon ange, l'amour n'en fait rien à la mort même si ça les dérange. Je vais t'aimer encore plus fort, je connais le calme de ton cœur et toutes les courbes de ton corps. Je connais l'amour et son odeur, je la sens partout dans ton décor. Ils te voient fuir, je te connais femme. Ils te disent feu et moi je te connais flamme. Ils savent ton cœur, je connais par cœur ton âme. Ils croient me faire peur, mais ta seule crainte me blâme. On a débuté par un jeu, un enjeu fier et courageux. Un an pour se faire une vie à deux, un jour pour que je me perde dans tes yeux. Une vie pour bâtir un avenir, un édifice. Et comme je te l'ai dit, fils, on a tous du bonheur à venir. T'es pas encore de ce monde, mais ta future mère, je l'aime un peu plus à chaque seconde. Et ça, ça fout la merde. Certains nous poussent, le destin est un autre rousse. Et c'est en douce qu'on doit se voir. Pour pas se perdre, elle a les yeux en amande et ce sourire qui charme. Ce regard qui transcende et mon cœur dans ses larmes. La différence d'âge, une loi qu'ils envisagent. De son visage, d'en tenir loin, par conséquent, je dois me tenir sage. Donc mon ange, juste un message, pour que tu saches que ce qui m'attache à ta personne, jamais ne m'arrache, même si mon heure sonne. Seule une vie sans toi, pour que je me venge. Alors je te le dis, mon ange, mon ange. L'amour n'en fait rien à la mort, même si ça te dérange. Je vais t'aimer encore plus fort, je connais le calme de ton cœur et toutes les courbes de ton corps. Je connais l'amour et son odeur, je la sens partout dans ton décor. Ils te voient fuir, je te connais femme. Ils te disent feu, et moi je te connais flamme. Ils savent ton cœur, je connais par cœur ton âme. Ils croient me faire peur, mais ta seule crainte me blâme. Mon ange, l'amour n'en fait rien à la mort, même si ça les dérange. Je vais t'aimer encore plus fort, je connais le calme de ton cœur et toutes les courbes de ton corps. Je connais l'amour et son odeur, je la sens partout dans ton décor. Ils te voient fuir, je te connais femme. Ils te disent feu, et moi je te connais flamme. Ils savent ton cœur, je connais par cœur ton âme. Ils croient me faire peur, mais ta seule crainte me blâme.